s'en vont, un paysan cagneux et son bœuf lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux, qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne. Une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Pour l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont. Silhouette.